Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL et c'est la Saint-Valentin et vous vous apprêtez peut-être à passer une soirée en amoureux. Et si votre amoureux ou amoureuse était un robot? L'amour au temps des robots, c'est le sujet de Dominique Cliche, conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc en effet, la robotique sexuelle, les robots conçus et utilisés à des fins sexuelles, ben, c'est maintenant une réalité. Donc en 2015, il y a eu une campagne s'amorçait contre la robotique sexuelle qui ouvre une boîte de Pandore en matière de relations interpersonnelles et d'interactions humain-machine. Alors dans cette foulée, une lettre était encore récemment rappelant les dangers de la normalisation du sexe robotisé. Alors aujourd'hui, les psychologues commencent à parler de digisexualité, une identité et une orientation sexuelle tournée vers la technologie. Tout ça, c'est pas très romantique, hein, Dominique? Ah, mais ça dépend pour qui, hein, pour certaines personnes. Donc, robotique sexuelle, digisexualité, de quoi on parle exactement? Oui, lorsqu'on parle de robotique sexuelle, en fait, on peut vouloir dire plusieurs choses. Hein, du jouet sexuel classique à la poupée interactive, munie d'une intelligence artificielle, donc du vibrateur, qu'on connaît un peu plus traditionnellement, mais jusqu'à des objets très, très sophistiqués, si on veut. Donc, en fait, j'insisterai pas là, particulièrement sur les cas de détournement de robots là, qu'on a pu voir, hein, des robots qui ont été conçus à d'autres fins que sexuelles, mais qui sont quand même utilisés par certaines personnes à cet effet-là. On peut penser à un cas qui a été documenté, là, le robot d'accompagnement Pepper, qui était très populaire au Japon. Et là, les concepteurs du robot ont dû inclure dans les instructions d'utilisation, dans les conditions d'utilisation, des mises en garde pour modérer les ardeurs, en fait, de ceux et celles qui voudraient avoir une relation sexuelle avec Pepper. Cela correspondrait donc à ce moment-là un bris de contrat, une violation des conditions d'utilisation. Mm-hmm. En fait, je vais plutôt insister sur les poupées, donc qu'elles soient masculines ou féminines, conçues, équipées spécifiquement pour répondre aux envies sexuelles de leurs utilisateurs. Des poupées qui, comme je disais, peuvent devenir de plus en plus sophistiquées avec les avancées en intelligence artificielle. Ah oui. Donc, des poupées qui sont de plus en plus interactives, qui peuvent produire des sons, interagir par la parole et être programmées pour exprimer une personnalité particulière, etc. Mais là, on ne parle pas de science-fiction. Ça existe vraiment déjà, ces robots? Oui, tout à fait. Il n'y a pas énormément de modèles disponibles sur le marché, mais de tels robots existent. Ils sont évidemment très dispendieux. Donc, par exemple, juste la tête robotisée de la poupée Harmony, qui comprend une intelligence artificielle, coûte 8 000 US, donc environ 10 500 canadiens. Pour garder cet exemple-là, il s'agit d'un corps en silicone, supposément très réaliste. Je dois vous avouer que j'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais pas encore au point là, en ce qui concerne le mouvement autonome. Donc, le corps lui-même doit encore être manipulé par l'utilisateur. Cependant, comme je vous disais, il y a une tête qui est amovible, avec un visage qui peut être aussi changé et qui a certains mouvements faciaux, des mouvements oculaires, un mouvement des lèvres, une voix, ainsi qu'une intelligence artificielle qui permet de faire la conversation lors de l'acte ou préalablement à l'acte ou sur l'oreiller par la suite. Mm-hmm. Donc, enfin, il y a une application qui est utilisée pour personnaliser l'intelligence artificielle ou créer son propre robot sexuel virtuel avec qui on peut interagir sur son téléphone ou sa tablette. Ah oui. Mais avec l'application, on peut aussi, évidemment... personnaliser la poupée elle-même. Pour les plus économes, on peut uniquement voir l'application. C'est beaucoup moins cher, mais bon, évidemment, c'est uniquement virtuel. Ce qui appartient davantage à l'avenir, hein, parce que là, on parle de choses qui existent maintenant, mais ce qui appartient davantage à l'avenir, ça va être des poupées qui sont munies, par exemple, de caméras situées dans leur globe oculaire avec un programme de reconnaissance faciale pour pouvoir reconnaître leur amoureux, reconnaissance des émotions aussi pour pouvoir personnaliser encore davantage les interactions avec les utilisateurs. Donc, à terme, l'idée derrière les concepteurs là, de ce genre de robots-là, c'est d'accroître le plus possible l'autonomie et le réalisme de ces robots-là, d'accroître encore l'interactivité dans tout le corps et, ultimement, le Saint Graal, le roborgasme, hein, l'orgasme robotique. Le roborgasme. Donc, lorsque le robot manifeste une satisfaction, lorsque l'utilisateur s'y prend bien, si on veut. Et donc, ceux qui ont une attirance pour ces robots, c'est ces gens-là qu'on appelle des digisexuels? En fait, les termes commencent à être définis. Ouais. Sur le plan de la digisexualité comme telle, on parle d'une attirance envers toute activité de nature sexuelle qui fait intervenir la technologie. Donc, c'est très large, du sexting, donc l'envoi de messages coquins par nos téléphones, à l'utilisation de ces poupées-là, là, très sophistiquées. On va parler de personnes robosexuelles, plus spécifiquement pour les gens qui ont un intérêt à la fois sentimental et sexuel envers ce genre de compagnons. Et j'insiste sur le sentimental car il y a des attachements réels, hein, dans les utilisateurs qui témoignent de véritables relations. Bon, mettons le terme relation de guillemets, mais quand même de relation affective avec leur robot. Ça laisse évidemment à l'abri des ITSS. Ah ben oui. Mais ce n'est pas sans risque, hein, avec la digitalisation des activités sexuelles ou autres, ben viennent les enjeux classiques du monde numérique. Donc, par exemple, quels sont ces enjeux? Ben, par exemple, il y a un fabricant de vibrateurs connectés, hein, qui a collecté dans les années dernières des données sur des milliers d'utilisatrices sans leur consentement. Ah oui. Donc, ces données concernaient notamment le moment d'utilisation, le niveau d'intensité de la vibration qui est choisie, la température de l'appareil. Donc, on s'entend que c'est de l'information quand même assez sensible qu'on souhaite intime, conserver là. De manière confidentielle, mais qui, bon, vient avec le fait d'être connecté, si on veut, donc d'utiliser le réseau Internet et surtout de générer des données que les entreprises ont bien de la difficulté en ce moment à se retenir là, d'utiliser, de collecter, d'utiliser pour la suite. Mm-hmm. Il y a une action collective, d'ailleurs, qui a été lancée là, contre le fabricant de ce vibrateur-là. Mm-hmm. Donc, pour revenir à la robotique sexuelle plus élaborée, donc celle avec les poupées munies d'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on a à craindre? Est-ce que cela ne relève pas de ce que les gens devraient pouvoir faire librement dans leur chambre en toute intimité, finalement? Effectivement, on peut se demander si ce n'est pas équivalent à, justement, un vibrateur comme un autre. Bon. Mais bon, il y a plusieurs contextes d'utilisation des robots sexuels, le moins problématique étant, justement, probablement celui d'une personne seule. Donc, par exemple, un veuf, une veuve, un célibataire, qui souhaite avoir un compagnon sexuel pour combler un besoin. Donc, a priori, il n'y a pas de différence notoire à ce moment-là entre ça et l'utilisation d'un vibrateur plus traditionnel. On va parler de services sexuels rendus par un robot en remplacement de relations intimes réelles ou entre guillemets normales ou en remplacement au recours à des prostituées, par exemple. Et un des avantages dans ce cas-là, c'est d'éliminer la dimension d'exploitation sexuelle qui, pour plusieurs, est encore inhérente à leur relation avec un ou une prostituée. Oui. Mais bon, on peut aussi penser aux personnes qui sont en situation de handicap, qui ont actuellement recours, par exemple, à des assistants sexuels, donc qui est une profession, des intervenants qui ont pour vocation de répondre à certains besoins affectifs et sexuels chez ceux qui ne peuvent pas avoir une vie sexuelle, encore une fois, entre guillemets, normale. On peut s'imaginer que les robots sexuels pourraient être une option aussi de remplacement ou de complémentaire à ce genre de service-là. Bon, évidemment, la dimension de chaleur humaine est moins présente avec les robots, quoique, comme je vous disais, il y en a encore certains qui disent développer un attachement sincère envers ces machines. Mm-hmm. Bon, il y a d'autres contextes qui sont nettement plus controversés. Donc, on parle de robots sexuels, par exemple, pour des personnes qui ont une déviance criminalisée, comme la pédophilie, vous en parliez en introduction, ou des robots qui sont simulateurs de viol, hein, qui offrent une résistance à l'acte et qui peuvent être utilisés pour canaliser, si on veut, les envies criminelles de ces personnes-là. On peut voir ça d'une certaine manière comme un crime sans victime, c'est-à-dire qu'il n'y a effectivement pas d'enjeu de consentement, du moins pour l'instant, avec des robots qui sont des êtres tout à fait inconscients. Mais la plupart des gens vont quand même continuer à ressentir un profond malaise à penser à un objet sexuel qui représente un enfant, par exemple, ou à une simulation de viol. Et on peut se demander si l'introduction de ces robots sexuels dans la société n'aurait pas aussi quelques conséquences sociales. Par exemple, est-ce que les robots sexuels ne vont pas attiser la criminalité chez les personnes qui auraient des tendances comme la pédophilie? Le fait de se pratiquer, entre guillemets, sur des robots, est-ce que ça ne va pas les entraîner à passer à l'acte sur des vrais enfants? Oui, ben c'est une question qui est très réelle, hein, pour laquelle il y a encore de la recherche qui doit être fait si on considère réellement aller de l'avant avec ça. Quand même, à souligner, les robots sexuels qui représentent des enfants sont illégaux là, au Canada en ce moment, car ils sont considérés comme étant de la pornographie juvénile. Il faut les intercepter, cependant. Évidemment. Néanmoins, certains avancent que la robotique sexuelle pourrait servir d'instrument thérapeutique dans le traitement de certaines paraphilies, d'autres déviances, notamment la pédophilie. Donc, il y a une équipe de recherche à l'Institut national de psychiatrie légale, le Philippe Pinel, à Montréal, qui travaille sur le potentiel des robots sexuels et de la réalité virtuelle aussi pour le diagnostic de la pédophilie, donc en ce moment, mais aussi pour son traitement. Donc, notamment pour que le patient soit en mesure d'apprendre à identifier davantage les déclencheurs, les signes précurseurs qui peuvent mener à une agression, à un passage à l'acte, dans la mesure où il veut effectivement mieux se contrôler et passer par-dessus là, ses envies. Donc, certains parlent même de prescrire de tels robots à des pédophiles qui ne répondent pas au traitement traditionnel comme exutoire, donc carrément comme un exutoire plus acceptable que le fait de passer à l'acte sur un enfant, un vrai enfant. Donc, on pourrait, imaginons que tout ça s'avère, donc on pourrait évoquer un principe de bienfaisance envers les individus et leur entourage pour justifier le recours à ces technologies, donc s'assurer s'assurer de leur bien-être, mais aussi s'assurer, sur la base d'un principe de non-malfaisance, qu'ils puissent remplir ces j'hésite à utiliser le terme de besoin, mais disons ces envies déviantes-là, dont ils ne sont pas en mesure de contrôler la manifestation, en ayant recours à des technologies. Mais bon, comme vous le soulignez, la question est vraiment de savoir si la poupée peut réellement servir d'exutoire ou si elle alimente ou amplifie un trait qui va se manifester ailleurs avec des conséquences bien réelles sur autrui, donc d'un être vivant, sensible, conscient. Et là, c'est évidemment beaucoup plus problématique. On s'entend, il n'y a aucune manière dont on peut accepter une technologie qui mènerait à des agressions sexuelles sur des enfants. Ouais. Donc, est-ce que ça peut servir davantage de déclencheur? Est-ce que ça peut raviver le désir des biens? Ou est-ce que ça peut vraiment servir d'exutoire? C'est une question ouverte et c'est une question qui est extrêmement dérangeante. Là. Oui, effectivement. Ben, revenons à une utilisation des personnes sexuelles, disons, sans autre forme de déviance. Est-ce que là aussi, il peut y avoir des impacts sociaux? Ben, vraisemblablement, oui. On n'a qu'à penser à l'exemple de la pornographie, donc qui est rendue banalisée, omniprésente, particulièrement chez les jeunes. Et où, en fait, ça vient modeler les attentes, les conceptions qu'on peut se faire de l'acte sexuel, des corps sexués, des relations interpersonnelles. Donc, la robotique sexuelle pourrait avoir un impact similaire, justement, sur qu'est-ce qui est considéré comme étant un corps sexuellement intéressant, qu'est-ce qu'un acte sexuel... Donc, la représentation qu'on peut se faire, justement, des dynamiques hommes-femmes, par exemple, ou même dans des relations de même sexe, mais des dynamiques entre partenaires à l'intérieur d'un acte sexuel. Donc, la robotique sexuelle peut avoir un impact similaire. Donc, les instigateurs de la campagne contre la robotique sexuelle, qui sont Kathleen Richardson, qui est un anthropologue à l'Université de Montfort au Royaume-Uni, et son collègue Eric Billing, qui lui est un spécialiste de l'intelligence artificielle à l'Université de Hövde en Suède, eux reprochent, en fait, aux robots sexuels de chosifier les femmes et les enfants. De perpétuer des stéréotypes féminins qui sont néfastes et d'aggraver la prostitution. Donc, de continuer à jouer, dans le fond, dans cet imaginaire-là qui accepte l'utilisation de l'autre comme un objet sexuel. Donc, il souligne que le développement, en plus de cette technologie-là, conduit à une forme de déshumanisation de la sexualité, mais se fait surtout à l'aveugle, sans réflexion sociale, juridique et éthique, proprement dite, là, sur ce développement-là. C'est encore le marché qui dit que ça, c'est assez underground quand même. On s'entend, ça fait partie d'une sous-culture assez particulière quand même là, dans les intérêts sexuels. Effectivement, puis on a l'impression que ça soulève plein de questions là, qu'on découvre. Tout et donc, fait. Parmi toutes ces questions, ces enjeux, en fait, quels seraient les plus pressants? Bien, il y a deux enjeux principaux qui peuvent être soulignés. Donc, d'une part, l'effet sur les relations interpersonnelles, dont j'ai mentionné quelques éléments, et le risque, en fait, que ce soit une solution technologique à des problèmes psychosociaux qui sont beaucoup plus complexes. Donc, en premier lieu, il y a l'aspect de personnalisation des robots qui peut être inquiétant. Donc, on peut, d'une part, personnaliser notre poupée donc selon nos moindres préférences physiques ou psychologiques, mais d'autre part aussi, on peut varier... suivant nos goûts, nos envies du moment. Donc, encore une fois, la forme physique, les expressions et la personnalité que manifeste la poupée par la configuration, les paramètres là, qu'on va configurer de l'intelligence artificielle qui habite, entre guillemets, ce robot. Donc, c'est une soumission, en fait, là, complète de l'autre à nos désirs individuels. L'autre, ici, est encore un robot. Une propension qu'on peut souhaiter restreindre, de manière générale, pour des raisons morales. Donc, on peut juger, par exemple, qu'il est problématique de simuler une telle relation de domination. Donc, même outre la relation de domination elle-même qui serait problématique, la simulation pourrait être problématique. On peut aussi juger que d'avoir de telles esclaves sexuelles artificielles est problématique parce que ça risque en fait de nous amener à reproduire ces comportements-là, ces propensions-là dans nos relations avec de vrais humains. Il faut après être capable de faire la distinction entre quelqu'un qui est robot et quelqu'un qui est humain et pas projeter nos comportements qu'on a avec les robots vers les humains. Exactement. Donc, par exemple, certains vont développer une plus grande satisfaction à côtoyer des robots plutôt que d'autres humains, des humains qui ont une personnalité qui est pas malléable, qui répond pas directement à nos besoins, alors que les robots, eux, sont conçus, utilisés pour répondre à nos besoins spécifiques sans poser de questions. Évidemment, c'est une question à poser. À l'inverse, on peut avancer que les gens qui pratiquent, par exemple, le BDSM, donc le bondage sadomaso, donc la domination le sadomasochisme sont pas plus violents avec autrui en fait en dehors de leur pratique sexuelle que n'importe qui d'autre. Donc est-ce que le fait d'avoir un robot à la maison serait à peu près dans la même dynamique, donc ce serait pas plus menaçant? Les comportements qu'on a avec un robot dans le cadre d'une relation sexuelle seront pas les mêmes qu'on aurait avec des êtres humains par ailleurs? Mais bon. C'est beaucoup d'inconnus, hein? Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, avoir des relations, des rapports avec un objet animé, comme le robot, qui se soumet complètement à nos désirs, ça peut permettre d'assouvir un certain besoin dans un contexte bien défini pour nous en libérer, en fait, dans d'autres contextes, lorsque notamment on interagit avec nos semblables en société. Puis on peut aussi se demander si le fait d'avoir besoin d'un robot sexuel, ça signifie pas que notre partenaire sexuel humain n'est pas à l'auteur. Et là, c'est quand même un peu dégradant. Oui, en effet. Bon, l'idée qu'on offre des robots humanoïdes hein, comme étant des substituts occasionnels à de vraies personnes laisse entendre que ces vraies personnes-là ne suffisent pas. Oui. On a besoin effectivement de quelque chose de complémentaire. Donc, par exemple, que les femmes humaines ont besoin d'une mise à niveau, un genre de upgrade. Donc, il y a quelque chose évidemment de dépréciatif par rapport au corps réel, donc au corps physique des individus bien réels, qui risque d'accentuer en fait des tendances bien à l'œuvre, donc objectification de la femme, standard de beauté réaliste, etc. Il s'agit de voir aussi les photos de ces robots sexuels-là pour comprendre qu'on est dans un imaginaire de porn star assez clair. Donc, c'est différent lorsqu'il est question d'objets sexuels qui n'ont pas la forme humaine. Hein, qui sont, parce que là, on ne compétitionne pas, si on veut, dans le, sur le même terrain. Bon. Sinon, on peut aussi craindre qu'il s'agisse d'une forme de solution technologique à un problème dont la cause est tout autre, comme la solitude, par exemple. Donc, les poupées, les robots sexuels sont des compagnes, des compagnons, aussi de manière plus générale, pas uniquement sexuelle. Leurs propriétaires leur attribuent souvent une personnalité, des traits humains, une histoire personnelle, des émotions. Donc, c'est des objets qui remplissent un espace dans la vie de plusieurs personnes, un peu comme peuvent le faire les animaux domestiques. Donc, évidemment, dans le cas des robots, il n'y a pas de réelle réciprocité. Comme il peut y avoir quand même dans une relation avec un animal qui demeure un être vivant, un être sensible, qui a réellement, si on veut, une certaine une forme de personnalité. Mais bon, du moins, pour l'instant, les robots, eux, ne sont que simulations de personnalité, ils n'ont pas de conscience. Donc, évidemment, l'aspect rétroaction et l'aspect relation est nécessairement différent. Oui. Donc, c'est beaucoup de la projection, hein, on s'entend, de la part des utilisateurs qui sont en relation essentiellement avec eux-mêmes plutôt qu'avec autrui dans ce genre de relation-là. Pour revenir à la question de la solitude que je mentionnais, par exemple, le Japon, qui est une société qui est très axée sur la technologie, où il y a un réel engouement pour les robots sexuels et pour, en fait, les robots de manière générale, mais aussi pour les robots sexuels. C'est aussi une société où les gens apportent le plus haut taux de sentiment de solitude et aussi le taux le plus bas de satisfaction par rapport à leur vie sexuelle. Dans ces contextes-là, on peut s'imaginer que, bon, peut-être que les poupées sexuelles viennent ici servir un peu de pansement sur une blessure qui mériterait un traitement différent. Mais on peut se demander, en fait, qu'est-ce qui est la cause de l'autre au Japon? Oui, parce que est-ce que c'est la technologie qui fait que les gens deviennent solitaires ou est-ce que finalement, en étant solitaires, ils se jettent sur la technologie? On peut se demander Il y a des études sociologiques fort intéressantes à faire sur le rapport entre les Japonais et les robots dans plusieurs aspects de leur vie. Évidemment, mais c'est un aspect culturel, ça c'est clair. Donc, il y a beaucoup d'enjeux quand même et de dérives potentielles, mais au train où vont les choses, est-ce qu'on peut interdire les robots sexuels? Ils sont là. Donc, est-ce qu'on peut les interdire? Bon, c'est toujours difficile d'interdire une technologie en elle-même plutôt que certaines utilisations. Là, dans le cas présent, la technologie en elle-même n'est pas dangereuse. Hein? C'est-à-dire qu'on peut imaginer des utilisations qui sont davantage de l'ordre, justement, comme de l'objet sexuel, du vibrateur, donc quelque chose qui est généralement bien accepté aujourd'hui. Mais bon, donc certains auteurs vont plutôt voir dans la robotique sexuelle une technologie qui est donc pas à interdire, mais à encadrer. Un auteur comme Daniel Levy, par exemple, a affirmé dans un livre que le sexe robotique serait très courant dans le futur, a cependant souligné l'absence d'encadrement dans ce domaine-là. Il a soulevé plusieurs questions qui devraient être abordées avant la commercialisation à grande échelle de robots sexuels, surtout de robots sexuels très développés. Par exemple, et ça peut faire rire comme question, mais est-ce qu'un humain pourrait avoir le droit de marier son robot? Légalement. Est-ce qu'on doit travailler de manière à éviter un attachement entre un humain ou un robot? Ou au contraire, c'est quelque chose qu'on valorise, qu'on accepte, qu'il puisse y avoir ce type d'attachement-là réel entre un humain et une machine? Ultimement, on peut se demander aussi si un jour les robots atteignent un certain degré d'évolution, qu'ils peuvent être confondus avec d'autres humains, qu'ils ont même une forme de conscience, est-ce qu'on devra leur donner des droits en lien avec la sexualité, par exemple en matière de consentement? Est-ce qu'on va avoir des devoirs envers eux? Donc, c'est évidemment des questions qui interpellent directement l'éthique. Eh ben justement, pour conclure, est-ce qu'il y a une réflexion sur le sujet à la commission en éthique, en sciences et en technologie, ou même ailleurs dans le monde, dans des organismes équivalents? En fait, la commission ne travaille pas là, spécifiquement sur ces questions-là pour l'instant. Mais pour ceux qui s'intéressent, il y aura un colloque là-dessus lors du prochain congrès de l'ACFAS, qui est l'Association francophone pour le savoir. Congrès qui aura lieu à Gatineau. Et le colloque en question a lieu les 30 et 31 mai prochains, donc à l'Université du Québec en Outaouais. C'est un colloque qui s'appelle Penser les robotiques. Donc, c'est un néologisme intéressant, donc comme Eros et les robotiques, qui est donc regard transdisciplinaire sur la robotique sexuelle. Donc, la commission n'est pas impliquée là, dans l'organisation de ce colloque-là, mais c'est une des initiatives là, qui s'en vient au Québec prochainement. Ben, oui, et c'est à suivre. Puis si c'est un colloque qui dure 2 jours, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'universitaires qui vont venir, qui réfléchissent à la question quand même. Oui, on va aborder la question d'une manière, dans une perspective multidisciplinaire. Ouais. Donc, ça risque d'être très intéressant. Oui, ben, tout ça, c'est à suivre. On se demande où cela va aller. Alors, merci beaucoup, Dominique. Merci à vous. Donc, nous étions en compagnie de Dominique Lisch, qui est conseiller en éthique à la Commission de l'éthique en sciences et en technologie. Et on va poursuivre sur le thème de l'amour pour découvrir qu'il y a tout un continuum entre l'homosexualité et l'hétérosexualité.